Le Rassemblement central des Coréens au Japon, consacré au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, s'est déroulé le 15 à la Maison de la culture coréenne à Tokyo. Y ont pris part Ho Jong-man, président du présidium du comité central de la Chongnyon, Association générale des Coréens résidents au Japon, ses vice-présidents, les cadres responsables des organisations centrales et des entreprises de la Chongnyon, les présidents de ses directions de la région de Kanto, les permanents de la Chongnyon, les autres Coréens au Japon, les enseignants et étudiants de l'université coréenne. Dans son rapport, Ho Jong-man a indiqué « Le général Kim Jong-il a systématisé en guide unique de l'époque d'indépendance les idées révolutionnaires du général Shin Kim-il-sung et des Dijutsu pour les développer intégralement et renforcer notre patrie en puissance politico-idéologique et militaire originale. » Il a ajouté qu'il était l'éminent dirigeant de la Chongnyon et le père infiniment affectueux des Coréens au Japon qui a promis leur bonheur et l'avenir rose de leurs descendants. Il a invité à faire à jamais honneur à ces immortels exploits accomplis dans le mouvement des Coréens au Japon et a manifesté leur fidélité et patriotisme suivant la direction du maréchal Kim Jong-un afin de manifester davantage dans le monde entier le prestige de leur organisation formée par les grands leaders. Les participants ont finalement adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un. Par ailleurs, toujours à la même occasion, la conférence centrale, l'exposition centrale de photos et le spectacle des Coréens au Japon ont eu lieu les 13 et 15 courants à la Maison coréenne et à la Maison de la culture coréenne à Tokyo.